At the beginning of the retreat, when I first arrived, that is, I spoke a bit about what it means to be a yogi, the meaning of the word. We come here and take on the work of a yogi. And a yogi literally means someone who possesses the effort to cultivate the mind and knowledge by means of meditation. Lorsque je suis arrivée ici au début de la retraite, je vous ai donné un enseignement à propos de la signification du terme yogi. Donc, littéralement, le terme yogi veut dire quelqu'un qui a en lui l'effort de pratiquer et de construire, de développer son esprit et sa connaissance, sa sagesse par la méditation. Donc, il y a en fait trois types d'efforts. Le premier, c'est l'effort initial, celui que l'on doit fournir au début lorsqu'on arrive à la retraite, et même avant. On se prépare pour cette retraite, on arrive sur place et on entame la pratique. C'est l'effort initial. Bien ensuite, un deuxième type d'effort, appelé l'effort accru. C'est un effort qui est un petit peu plus puissant que le précédent et qui va nous permettre de surmonter les obstacles. Et donc le troisième type d'effort est appelé l'effort progressif. C'est celui qui va se développer progressivement tout au long du cheminement vipassana jusqu'à ce que le méditant atteigne le but. Donc tout ceci, c'est la signification littérale du terme yogi. D'un point de vue plus pratique, l'effort va consister d'abord à apprendre, s'entraîner, à noter tout ce qui se manifeste à chaque instant à l'intérieur de soi, à commencer par les mouvements de l'abdomen. Le yogi s'entraîne à noter tous ces objets. Il va ainsi développer un type de concentration qu'on appelle la concentration momentanée. Et donc le yogi va devoir passer par ces trois stades d'effort pour développer sa connaissance, son expérience de vipassana. Il faut qu'il maintienne son effort, qu'il continue à le fournir tout au long de son cheminement. Il doit toujours s'efforcer d'observer les objets qui se manifestent à chaque instant. C'est donc cela qu'on appelle l'effort courageux. Et donc, le méditant va devoir fournir cet effort courageux. Au début, il va le fournir, mais il ne sera pas encore très développé. Il est déjà appelé un yogi. Il mérite le titre de yogi. Il va continuer à s'entraîner, va développer son attention, va se maintenir plus souvent sur les différents objets et deviendra un yogi qui est plus qualifié. Et enfin, lorsqu'il aura développé cette qualité d'effort qui sera devenue parfaite, il sera devenu un yogi à part entière. Le yogi va fournir cet effort et cet effort est en fait appelé un instrument de désincarcération. Ce qui veut dire que le yogi va devoir se désincarcérer de quelque chose qui le maintenait bloqué. Et ce qui le maintenait bloqué, ce sont les obstacles. En pali, on parle de niyana warana, donc l'instrument de désincarcération. Je vais parler maintenant de ces obstacles dont il va falloir se libérer. On ne sait pas d'où viennent ces obstacles dont il va falloir se libérer. Ce terme niyana implique donc qu'il va falloir se libérer de quelque chose, s'extraire de quelque chose. Il va donc falloir s'extraire de liens, puisque le terme s'extraire implique qu'il y a quelque chose qui nous maintient en prison. Ce lien dont il va falloir se libérer, c'est le cycle de la souffrance. Donc ce dont nous allons devoir nous libérer grâce à la pratique, c'est ce lien que constitue la souffrance qui se manifeste à l'infini. Le lien le plus palpable, c'est l'attachement au plaisir des sens. Nous sommes toujours en quête de contacts sensoriels agréables, que ce soit par l'une ou l'autre des six portes sensorielles, l'œil, l'oreille, le nez, la bouche, le corps et l'esprit. Donc nous sommes toujours en quête de ces plaisirs sensoriels par l'une ou l'autre des 6 portes et nous en désirerons toujours plus. L'attachement par rapport à ces choses se développe. Nous sommes persuadés que ces choses sont bonnes, sont agréables, sont positives et donc nous en voulons toujours plus. Le désir se développe. Donc ce désir pour les objets sensoriels, pour les contacts sensoriels agréables, est comparé à la situation d'un esclave. Nous sommes comme des esclaves face à ces désirs sensuels. Par exemple, si nous avons envie de prendre une tasse de thé, nous allons immédiatement nous en servir une. Nous sommes esclaves. Si nous nous laissons aller à ce désir sensuel, si nous investissons dans ce désir et que nous le réalisons, bien sûr, nous aurons un certain plaisir. Mais il faut bien comprendre que ce plaisir sans en fait nous être fatal. C'est un petit peu comme l'abeille qui butine et qui va se noyer dans son propre miel. Nous devons donc comprendre que le désir sensuel, c'est le plus grand des obstacles. Nous devons comprendre qu'il va falloir lutter pour se libérer de cet obstacle. Et l'instrument que nous allons utiliser pour y arriver s'appelle précisément Jnana. L'expression Jnana, Varana, se compose de plusieurs parties et veut dire en fait Varana, c'est l'obstacle donc, Jnana, c'est l'instrument qui va nous permettre de nous en libérer, et Ni, c'est une particule donc qui indique la négation. Il n'y a pas cet instrument qui va nous permettre de nous extraire, de nous libérer de cet obstacle. Il y a 8 sortes de Jnana et 8 sortes de Avarana. Donc le premier Jnana, c'est Nekama, qui veut dire renoncement. Le deuxième, c'est Abhyapada, l'absence de colère. Le troisième, c'est Anukasana. Alokasana. Dont la signification est, du point de vue de Vipassana, observer encore et encore l'objet de façon à ce qu'il devienne très clair. Une autre signification, c'est regarder une lumière. Le suivant, c'est Avikepa, ce qui veut dire ne pas être éparpillé. Le suivant, c'est Kamawatana, ce qui veut dire être capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre le positif et le négatif. Le suivant, c'est Jnana, ce qui veut dire la connaissance qui permet de faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, et également voir les causes et les effets. Le suivant, c'est Pamuja, ce qui veut dire se réjouir. Et enfin, Kusala Dhamma, ce qui veut dire action positive. Les 8 Nivarana, les 8 empêchements, c'est tout d'abord Kamachanda, le désir sensuel. Le deuxième, Vyapada, la colère, le ressentiment. Le suivant, c'est Tinamida, qu'on traduit par somnolence, torpeur, absence d'énergie. Le quatrième, c'est Udacha, l'agitation. Et le cinquième, c'est Visikicha, le doute. Avijja, c'est le suivant, qui veut dire l'absence de connaissance, l'ignorance ou ne pas bien comprendre. Le suivant, c'est Arati, le mécontentement. Et le suivant, c'est Akusala Dhamma, les actions déméritoires. Donc vous avez entendu les 8 paires de Jnana et de Nivarana. Nous allons maintenant parler de la première paire, Nekama et Kamachanda. Nekama, donc, que l'on traduit en général par renoncement, en fait a la signification d'absence de colère, aussi la signification de absorption méditative, premier jhana. Ce terme a également la signification de nibbana, de vipassana et de action méritoire. D'un point de vue pratique, en général, ce terme de nekama est traduit par renoncement. Une signification très basique, cela veut simplement dire que la personne a renoncé, est devenue moine, nonne ou yogi. Donc ce terme comporte la particule vi, qui est une négation. Bien ensuite, pa, cette particule pali, implique que l'on va se séparer du monde. On va se séparer, se mettre en retrait par rapport à tout ce que l'on fait d'habitude dans le monde. Par exemple, les affaires, la famille. Et pour combien de temps allons-nous nous séparer de ces choses? Cela dépend de l'engagement que l'on prend. On peut le faire comme dans le cadre d'une retraite, pendant une semaine, pendant deux semaines, ou plus long, ou même de façon définitive. Et la dernière partie de l'expression, vajja, veut dire donc endosser une nouvelle identité, se comporter différemment. Ceci veut dire qu'on va d'abord se rendre dans un endroit où il sera plus facile de ne pas développer ni la colère. Et nous allons donc nous rendre dans un endroit calme. Et cet endroit calme où il est plus facile de se débarrasser de tous ces états d'esprit négatifs, c'est précisément un centre comme celui-ci, un centre de méditation. Nous sommes donc venus ici dans le but d'éteindre, d'éradiquer ces pollutions mentales qui sont source de souffrance. L'expression dans son ensemble, donc, avajja, veut dire se rendre dans un endroit où on va pouvoir pratiquer de façon à se débarrasser, non pas d'une façon superficielle, mais d'une façon complète, intensive, des pollutions mentales, et nous allons entamer une nouvelle vie. Les pollutions mentales se manifestent dans notre esprit au moment du contact sensoriel. Si le contact sensoriel est agréable, il va faire naître le désir. Et si nous n'y prenons pas garde, ce désir va se développer de plus en plus, jusqu'au jour où il sera devenu incontrôlable. Et si le contact est désagréable, c'est le feu de la colère qui va se manifester. Ce feu va s'amplifier de plus en plus, jusqu'au moment où il sera devenu incontrôlable et va nous faire faire des actions déméritoires. Et si ces pollutions mentales sont présentes dans l'esprit, cet esprit va devenir confus. Il ne pourra plus faire la différence entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Ces pollutions mentales se manifestent dans l'esprit des êtres parce qu'il y a les causes pour cela. Et si nous n'y prenons pas garde, si nous ne faisons pas attention à tout cela, nous serons amenés à faire de plus en plus d'actions déméritoires, d'actions négatives. Les portes elles-mêmes vont devenir corrompues, polluées, et cette pollution des portes sensorielles va s'aggraver progressivement. Nous devons donc comprendre que ces pollutions mentales, qu'on appelle les kilesas en pali, sont la cause racine de notre souffrance. S'il y a la souffrance, c'est à cause de ces kilesas. Donc nous devons essayer de nous en débarrasser. Les êtres veulent tous être heureux. Ils recherchent tous le bonheur. Si nous voulons être heureux, nous devons simplement comprendre qu'il faut éliminer la cause de la souffrance, la cause du malheur. Si vous avez par exemple un incendie chez vous, vous allez sortir de la maison et vous allez être très intéressé par ce feu qui est en train de tout dévorer. Donc c'est le feu qu'amènent les pollutions mentales, les kilesas, est en nous. Les êtres en général n'y font pas attention, ou alors ils le voient, mais ils ne s'y attardent pas. Les trois formes de kilesas, donc le désir, la colère et l'illusion, sont donc les causes de la souffrance. Et elles sont les causes de la souffrance non seulement dans le présent, mais elles le seront également dans le futur. Il est donc indispensable de le comprendre et d'y mettre fin. si nous continuons à être attirés par l'agréable et fuir le désagréable, si nous laissons ces pollutions mentales envahir notre esprit, si nous ne faisons rien pour nous en débarrasser, c'est synonyme de jouer avec le feu. Lorsqu'on joue avec le feu, concrètement parlant, eh bien, on ne se rend pas compte des dégâts que ce feu va amener. Ce n'est qu'après que tout ait été brûlé qu'on s'en rend compte. Comment allons-nous faire pour nous débarrasser de ces kilesas, de ces pollutions mentales, pour y mettre fin? La réponse est simple, c'est par la pratique de Satipatthana Vipassana, la méditation que nous pratiquons ici. Autrement dit, Sila, la moralité, Samadhi, la concentration et Panya, la sagesse. Pour réussir à éradiquer le feu qui est en nous, nous devrons commencer par nous trouver un endroit approprié et nous comporter comme un yogi. Si nous restons accrochés au monde, si nous continuons à nous investir dans les affaires du monde, il ne sera pas possible de développer notre pratique et de mettre fin à ce feu. Il faut que nous renoncions à toutes ces activités mondaines et c'est précisément la signification de Nekama. Nous devons donc nous trouver cet endroit approprié si nous voulons réussir à éteindre ce feu. Et nous devons nous rendre dans cet endroit dans l'intention précisément de mettre fin à ces kilesas, à ces pollutions mentales. Nous devons également nous comporter comme des yogis, des personnes qui ont donc renoncé, ne fût-ce que temporairement, ou comme des nonnes ou comme des moines. Si nous nous rendons dans cet endroit isolé pour pratiquer, les trois niveaux de kilesas, donc les trois niveaux de pollution mentale, vont certainement être progressivement éliminés de notre esprit. Nous serons devenus de véritables yogis, non seulement de façon tout à fait concrète et pratique. Donc il n'est pas suffisant d'être un yogi en apparence, il faut que cela se traduise dans les actes et que nous devenions vraiment des personnes qui pratiquent la méditation comme cela vient d'être expliqué. Lorsque nous pratiquons, nous allons nous efforcer de diriger notre esprit vers tout ce qui se manifeste en nous, à commencer par le corps et par tous les objets qui sont susceptibles de se présenter à chaque instant. Nous devrons disposer pour cela d'une certaine absorption de l'esprit. Il faudra également réussir à viser l'objet et à se focaliser sur cet objet. Le yogi va fournir beaucoup d'efforts, il va s'entraîner encore et encore et il va réussir finalement à se libérer des obstacles, surtout le premier, le désir sensuel. Son esprit va alors devenir très clair. Il aura développé la connaissance, la compréhension, la joie va se manifester en lui, piti en pali, et son esprit va se stabiliser. Le méditant va donc pratiquer, il va s'entraîner et il va atteindre le stade appelé Samasana Jnana, le stade de connaissance de la compréhension. Certains facteurs vont alors apparaître en lui parce que sa pratique de Vipassana se sera développée. Il aura Vitaka, l'application de l'esprit, Vichara, le maintien de l'esprit sur l'objet, Piti, la joie, Sukha, le bonheur, et Ekagata, la fixité de l'esprit. Lorsque le méditant atteint ainsi le premier jhana, c'est-à-dire que ces facteurs se sont installés en lui, on dit qu'il s'est libéré du désir sensuel. Et ceci, c'est une des significations du terme Nekama, donc premier jhana. D'un point de vue très pratique, les méditants qui sont ici commencent par observer l'abdomen et plus précisément les mouvements de soulèvement et d'abaissement. Pour observer ces deux mouvements, ils doivent pouvoir propulser leur esprit vers l'objet et viser l'objet. Le fait de viser l'objet est appelé en pali vitaka. C'est un facteur jhanique. Le méditant observe donc les objets qui se manifestent Il est capable de propulser son esprit vers l'objet, de viser l'objet et de se focaliser sur cet objet. Son esprit va alors rester sur l'objet, se maintenir sur l'objet, s'y frotter. Ceci, c'est le facteur jhanik qui est appelé vichara, le maintien de l'esprit sur l'objet. Lorsque le méditant dispose de ces deux premiers facteurs jhanik, vitaka, l'application initiale de l'esprit à l'objet, et vichara, le maintien de l'esprit sur l'objet, et qu'il pratique ainsi encore et encore, à un moment, il se sentira très satisfait de sa pratique, parce qu'il constate qu'il est capable d'observer les objets sans discontinuer. Il n'y a plus d'intervalle entre les différents moments d'attention. Il sera alors très content et piti va se manifester, la joie. Le méditant continue à pratiquer ainsi. Il fait de plus en plus d'expériences positives. Son vitaka et son vichara et son piti se développent de plus en plus et sa pratique commence à devenir différente. Au début, c'était difficile, elle ne lui plaisait pas trop, mais à partir de ce moment-là, lorsque ces facteurs se seront installés en lui, la pratique deviendra très agréable et intéressante. Le yogi qui a atteint ce stade de samasananyana, le stade de connaissance par compréhension, est en fait devenu capable de percevoir tout ce qu'il observe selon leur véritable nature. Tous les objets sont vus selon leur véritable nature. Autrement dit, ils ne voient plus leur forme extérieure, ils voient de la lourdeur, de la légèreté, du chaud, du froid, etc. Ils voient donc les caractéristiques individuelles des objets qu'ils observent, mais ils voient également les caractéristiques générales, c'est-à-dire le fait qu'ils sont impermanents, ils n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Ils voient leur caractère insatisfaisant et ils voient leur caractère incontrôlable. Le méditant va alors se sentir encore plus heureux. Et si le yogi expérimente le fait que tout cela est impermanent, il va être encore plus heureux. Le méditant poursuit sa pratique en observant de mieux en mieux, de plus en plus clairement tout cela. Sa joie se développe encore. Et finalement, il va se sentir heureux, ce qui est en fait un état d'esprit plus profond, qu'on appelle en pali sukha. Le corps et l'esprit sont alors devenus calmes, la concentration s'est développée, et ce type de concentration que le méditant développe par vipassana est appelé la concentration momentanée. Je voudrais expliquer ce que veut dire l'expression l'esprit devient unifié. Ceci veut dire que, arrivé à ce stade, lorsque l'objet est perçu, est vu, automatiquement, la joie est présente dans l'esprit du méditant. Ces deux choses apparaissent ensemble. Donc, l'esprit du méditant ne va pas voir ailleurs. Il expérimente l'objet et en même temps la joie. C'est cela que l'on peut dire quand on parle d'un esprit unifié. Le terme nekama, que l'on traduit ordinairement par renoncement, peut se traduire par premier jhana, tout simplement parce que lorsque le méditant a atteint ce premier jhana, avec ses facteurs, vitaka, vichara, piti, sukha et ekagato, son esprit est totalement libéré du désir sensuel. Il n'y va plus. Il n'est plus lié par cet empêchement. Donc, il a d'une certaine façon renoncé. Et lorsqu'il n'y a plus de désir sensuel dans l'esprit, il n'y aura plus non plus de soif pour ces objets. La soif pour les plaisirs sensuels a disparu. Le méditant s'est donc rendu dans un centre, un lieu approprié pour pratiquer, et il est arrivé à développer le premier jhana. On peut dire que l'expérience de ce premier jhana est comparable à Nibbana, puisque la signification de Nibbana, c'est que l'esprit s'est libéré du désir, ni, sans, bana, désir. Donc, le méditant expérimente alors ce que l'on appelle le Nibbana momentané ou temporaire. Lorsque le méditant développe ainsi les connaissances vipassana de façon progressive, il va commencer par réaliser les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Il va comprendre que ces phénomènes sont reliés entre eux par un lien de causalité, qu'il n'y a à l'intérieur de lui qu'une suite de causes et d'effets. Et il va également comprendre que tous ces phénomènes sont anicca, impermanent, dukkha, insatisfaisant, et anatta, non-soi ou incontrôlable. Lorsque le méditant en est arrivé là, et donc qu'il réalise clairement anicca, dukkha et anatta, il n'y aura plus de désir sensuel en lui, car ce désir sensuel ne peut se manifester que s'il y a encore la perception fausse qui fait croire que les choses sont permanentes. Il n'y aura plus non plus d'orgueil, ce qui se dit mana en pali. Lorsque le méditant expérimente dukkha, l'insatisfaction, il se libère également du désir sensuel. Il comprend que les choses n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître d'elles-mêmes automatiquement, qu'il n'y est pour rien, et que tous ces phénomènes ne sont pas constitutifs d'une âme ou d'un ego ou d'une entité permanente. Il se libère ainsi du désir sensuel. Lorsque la pratique de vipassana a développé les connaissances vipassana, le désir n'apparaîtra plus dans l'esprit du méditant, il n'y aura plus non plus de pollution mentale, il n'y aura plus dans l'esprit que des intentions positives. Ceci, c'est également une signification du terme nekama. Donc tout ceci, c'est la signification du mot nekama. La personne qui détient nekama est une personne qui s'est rendue dans un centre de méditation, dans un endroit approprié pour pratiquer, dans l'intention de détruire, d'éliminer de son esprit les pollutions mentales, et il le fait en abandonnant tout attachement pour le monde. Le méditant qui pratique donc, conformément à tout ceci, et qui atteint le premier jhana, que ce soit par la pratique de samatha ou par la pratique de vipassana, aura réussi à se libérer du désir. S'il s'est libéré du désir, cela veut dire qu'il expérimente en fait la saveur de nibbana, puisque nibbana veut dire absence de désir. Le méditant qui en est arrivé là expérimente donc ce que l'on appelle le nibbana temporaire. C'était donc là toutes les significations du mot pali « nekama ». Vous devez persévérer dans votre effort. Puissiez-vous tous réussir à éliminer de votre esprit ces pollutions et donc vous libérer de la souffrance. Sadhu, sadhu, sadhu. So all these meanings that I've described of nekama can become apparent in the yogi's practice, and they are simply the means for deliverance, the means for escape from the cycle of suffering. So may you all realize the end of the cycle of suffering as soon as possible through your efforts in the practice. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu.